peuvent connaître la rage. Ils peuvent connaître le sentiment de la haine, mais ils ne peuvent pas connaître la haine. Parce que la haine est le produit de l'intelligence et de la volonté. Les êtres faibles n'ont pas d'intelligence et de volonté. Ou s'ils ont de l'intelligence, ils n'ont pas de volonté. Puis ils peuvent pas avoir de l'intelligence pure, parce que ça prend de la volonté pure. Tu peux pas avoir un sans l'autre. Alors, les êtres faibles ne peuvent pas connaître la haine. C'est pour ça que les êtres faibles ne pourront pas passer dans l'éther. Parce que pour haïr mentalement, il faut être très fort. Parce que cette haine-là, quand elle se déchaîne, elle crée tellement de choc qu'automatiquement, l'émotif de l'homme et le mental inférieur de l'homme en subit les contre-coups. Et c'est là que l'on voit si l'homme a la force ou la faiblesse de sa haine. S'il a la force, il va prendre des chocs en retour, anyway. Mais s'il est faible, automatiquement, il va vivre pendant des années et des années le doute. Que les hommes vivent le doute dans le passage de la conscience qui aime à la conscience qui hait, c'est normal. Mais il vient un moment dans la vie de l'homme, je parle de l'homme supramental, il vient un moment dans la vie de l'homme supramental où il ne peut plus avoir en lui de doute. Parce que le canal est formé. Et c'est à ce moment-là qu'il peut haïr autant qu'il peut aimer. Et lorsque l'homme supramental haït parfaitement, il n'est plus influençable à aucun niveau, ni matériel, ni invisible. Et automatiquement, il entre dans les rangs des immortels. Ceux qui vivent des tensions, puis qui se fâchent, puis qui se fâchent, puis qui se fâchent. Il y en a qui commencent à se fâcher de temps en temps. J'entends des nouvelles de temps en temps. C'est le début de la haine. Si vous commencez à vous fâcher, c'est le début de la haine. C'est très intelligent. Si vous n'avez pas commencé, mais je vous le souhaite. L'homme regarde la vie avec ses sens. L'homme voit tout de par ses sens. Il ne voit rien d'autre. C'est effrayant. Et il ose souvent pas écouter ce qu'on a dit. Il ose pas écouter ce qu'on a dit. C'est vrai. Mais quand un bateau sombre dans l'océan, le capitaine ne peut pas se promener tout partout pour aller chercher les corps. Il n'accroche un qui est proche de lui de temps en temps. Les autres, il faut savoir. Tant qu'on ne peut pas haïr, on ne peut pas encore réaliser l'importance d'être seul. On ne peut pas encore réaliser jusqu'à quel point. Autant pour le bénéfice de l'homme, on a été dominé. Je parle pas de domination sur le plan matériel, je parle de domination dans les clans. Par le truchement de notre esprit. On vient de découvrir que c'est même pas nous autres qui pensent. On vient de découvrir à la fin du 20e siècle que c'est pas nous autres qui pensent. Puis on est loin d'arriver au bout de ça encore. On est loin d'avoir passé à travers la forêt de ça encore pour avoir de l'énergie pure, indifférenciée, claire et nette, de l'intelligence. Puis on est loin de ça encore. Ça vient que le temps. C'est un début. Mais c'est un début qui est à temps. Il est à temps, Chris, qu'on le sache. Puis ça, c'est que le début. Vous connaissez pas le reste de l'histoire encore. On vous laisse digérer ce qu'on a commencé. Mais le reste de l'histoire, de l'âme, l'histoire du mystère de l'âme, on n'a pas fini d'avoir les cheveux gris. C'est pour ça que on ne peut pas rentrer dans l'intelligence sans apprendre à haïr au fur et à mesure qu'on rentre dans l'intelligence. Donc, si vous avez des petits sentiments pour l'humanité, il est temps que vous regardiez ça bien de proche. Mais cassez-vous pas avec ça parce que tu peux pas haïr parce que tu veux. C'est une science, haïr. Tu peux pas haïr n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand. Quand tu haïs cosmiquement, c'est toujours les conditions que tu haïs, jamais les personnalités qui vivent sous les conditions. Les conditions. Et quand tu commences à comprendre les conditions, puis vivre les conditions, les vivre, puis les comprendre en même temps, puis les voir, tu haïs les conditions. C'est à ce moment-là que tu commences à mettre le feu dans tous les livres qui ont servi à enseigner l'humanité. Manny Bibo! Parce que t'avais plus de besoin, anyway. Ils sont tous incomplets, toute la gang. Haïr, c'est la chose la plus facile au monde. Parce que c'est fait d'intelligence et de volonté. Puis l'intelligence, c'est très facile, puis la volonté aussi. Quand tu l'as. Fait qu'haïr, c'est bien facile. Ah, oh, mais ça donne quoi? Quoi? Ça donne quoi? Ça change tes vibrations. Le but de haïr, c'est de changer nos vibrations. Si tu haïs pas quelque part dans ta vie, tu ne changeras jamais tes vibrations. Tout le temps temporaire. Tout le temps temporaire. Tu peux haïr pour un moment, puis aimer le lendemain. Mais in the meantime, tu haïs, tu as changé tes vibrations. Puis regardez, je vous l'explique sur votre échelle, à votre échelle d'expérience. Regardez ceux qui sont pas mal conscients du contact, là. Puis qui sentent de temps en temps qu'ils se font jouer des culs, vous allez voir que vous avez haï un petit peu, là. Vous avez haï, puis automatiquement, il y a un changement vibratoire. Il y a, vous vous fâchez, il y a un changement. D'ailleurs, c'est ça qui vous a amené à... Fait que le but de haï, c'est de changer nos vibrations. Et autant les gens me parlent souvent, surtout ceux qui vont dans les sciences cosmiques, là, que tu te codes, puis tu te décodes, puis tu te plugues, tu te déplugues, puis tu te transmutes. Ça marche pas de même, la transmutation. Ça fait partie du voile. C'est par la haine que l'homme se transmet. Parce que la haine, c'est se revirer complètement contre soi-même, contre sa race. Et un homme qui est conscient haït sa race et il haït les conditions de sa race. Mais il les comprend toutes. Comme on a dit. Alors, c'est pas une haine qui est dirigée contre l'individu, c'est une haine qui est dirigée contre les conditions de la vie. Cette partie-là est importante. Là. Pas que vous fassiez d'overtime. Et c'est par la haine que l'homme transmet ses corps. Parce qu'en vivant la haine de la condition humaine, il renie ce qui l'empêche émotivement de vivre. Il l'empêche ce qui intellectuellement le replie sur sa pensée infinie. Et automatiquement, ça allège son vital, son physique. L'amour ne peut pas changer, il peut partir de ce que... L'amour? L'amour de quoi? L'amour face à sa race. L'amour face à sa race? Quel amour? Quand tu parles de la haine, c'est la haine qui lui permet de changer de race. Mm-hmm. L'amour, j'ai déjà dit que l'amour sera vécu par l'homme dans les terres, jamais sur le plan matériel. Le principe de l'amour ne se vit pas sur la terre. Le principe de l'amour, c'est un principe qui s'active dans le paradis planétaire. Ça ne s'active pas sur la terre. Le sentiment de l'amour se vit sur la terre, mais pas l'amour cosmique. C'est de la répulsion. C'est de la répulsion, exactement. C'est de la répulsion. La question de la destruction de l'homme, je n'ai pas compris tout à fait. Je n'ai échappé des... L'âme, c'est la partie de l'homme qui constitue toute la mémoire de ses expériences antérieures. L'âme, c'est une mémoire. Ah bon, c'est pas juste l'âme, c'est pas juste le point central, tout ce qui est autour, c'est la mémoire. L'âme, c'est une mémoire. C'est une mémoire. Et cette mémoire-là, elle doit être détruite. Puis quand elle est détruite, cette mémoire-là, il reste l'énergie. Et l'énergie doit être intégrée à l'homme. Ça doit être descendu ici. Et ça peut être descendu ici seulement par la volonté et l'intelligence. Je comprends pas l'âme. Je ne sais pas le comprendre. Un jour, tu comprends. Je te dis que l'âme, c'est une mémoire. Parle-toi. Rentre dans ton intelligence. L'intelligence ne devient jamais lumière, elle est toujours lumière. C'est que lorsqu'elle passe dans l'homme et que l'homme est astral, il la perd. L'intelligence est toujours lumière, elle est toujours parfaite. Mais les conditions de l'homme, son astralité, la colore, il la perd. Ça veut dire que quand j'ai des idées en moi ou des pensées en moi, je reçois de l'énergie. On reçoit toujours de l'énergie. Suppose que j'ai des idées, des pensées. Quand est-ce que je suis en contact avec mon énergie? Quand est-ce que je suis? Quand tu sais que tu es intelligent. Quand tu reçois des idées, puis tu sais qu'elles sont intelligentes, puis c'est ça, c'est là que tu es dans l'intelligence. Puis quand tu reçois des idées, puis des pensées, puis t'es pas sûr, t'es pas dans l'intelligence. Comment est-ce qu'on fait pour savoir les pensées intelligentes, comment est-ce qu'on fait pour les reconnaître? Quand t'es dedans, t'es dedans. Puis c'est plus qu'on n'aime pas encore les pensées vraiment intelligentes, qui viennent pas des sens, entendu quelqu'un ou vu, déduit de... Est-ce plus qu'on n'aime pas encore, ou on a tout le temps un peu, puis comment est-ce que si on a tout le temps un peu... Plus vos vibrations changent, plus vous rentrez dans l'intelligence. Mais le signe de l'intelligence, c'est quand t'es dedans, t'es dedans. C'est instantané. Mais c'est pas le même dedans comme il y a des choses, je suis sûr, mais ça, ça vient des déductions d'entendus. Es-tu, c'est pas es-tu d'es-tu. Es-tu, c'est une opinion renforcée par l'expérience d'une multitude. Es-tu d'es-tu, c'est une opinion qui n'est pas renforcée par aucune expérience d'aucune multitude, ça fait partie du savoir. Tu peux être tout seul sur la planète, puis es-tu d'es-tu. C'est l'intelligence. Faut que tu parles vraiment, faut que tu parles à ton agitateur authentique. On l'a établi depuis longtemps. Comme ça, c'est juste par changement vibratoire que tu arrives. Par changement vibratoire. Ces changements vibratoires-là, c'est, ça se produit maintenant, dans le sens que tu as des pensées qui t'amènent à vivre des choses, des situations qui te répugnent finalement, qui te disent, ça fait partie de ça. Toutes les pensées que vous avez dans votre tête servent à détruire vos pensées. C'est ça. Toutes les pensées que vous avez dans votre tête servent à détruire vos pensées. Toutes! N'importe quoi! Jusqu'à temps que vous n'ayez plus. C'est ça. Quand vous n'ayez plus, vous n'avez plus de pensées dans votre tête. Ça veut dire, Bernard, qu'il y a un mot du risque de laisser sa lumière à venir en matière. Il n'y aura pas de risque parce que ceux qui sont venus dans la matière et qui font partie des fils de la lumière avaient déjà la capacité évolutive de subir le choc vibratoire. Le choc vibratoire, c'est la quantité d'énergie que tu reçois. C'est ça. La mémoire, c'est comme une énergie informée, puis si l'information est détruite... La mémoire, c'est une énergie déformée. Déformée. Quand elle est détruite, il y a une énergie, ça n'a plus à supporter l'information antérieure. Exactement. Et tu parles de mémoire cosmique. Mémoire cosmique, c'est de l'intelligence. Continue. La mémoire cosmique, c'est la mémoire de l'âme. C'est de la merde. Donc, ça vient de... La mémoire cosmique, ça fait partie des idées des hindous, ça, qui nous ont pulvérisés depuis quelques années. Ça. Non, mais tu parles de mémoire universelle et de mémoire astrale. La mémoire universelle et la mémoire astrale, c'est la même chose. Ouais. C'est mémoire, ça. Tout ce qui est mémoire, c'est une dégradation de l'esprit parce que aussitôt qu'il y a de la mémoire dans le cosmos, ça sert à créer des modèles nouveaux pour l'évolution future. Lorsqu'en fait, les modèles doivent être figés dans le temps et immortalisés. Je comprends pas que l'esprit peut être au service de l'émotion et intellectuel. Tu comprends pas ça? Parce que l'esprit ne fait pas partie de la matière. L'esprit ne fait pas partie de la matière, seulement l'esprit est affecté par les vibrations astrales et mental inférieur, parce que l'esprit n'est pas assez fort. Et lorsque l'esprit est fort, l'esprit est lumière. La force de l'esprit, c'est quoi? La force de l'esprit, la force de l'esprit, c'est la relation parfaite entre l'homme et la lumière. L'homme et esprit. Et puis l'émotion. Et puis d'astralité. Comme ça, dans des rapports avec les autres, si jamais tu arrives à avoir de moins en moins d'émotions, de moins en moins de recherches, d'idées, de pensées, tout ça, de fond, tu deviens de plus en plus simple. Automatiquement. Seulement, tu ne peux pas le développer par attitude. C'est l'énergie qui t'amène à ça. L'énergie. Je continue sur la conscience expérimentale. Quand on dit qu'une planète vit une conscience expérimentale, on dit que les êtres qui sont en évolution sur cette planète-là sont programmés. Et ils sont programmés par d'autres êtres qui sont dans des mondes invisibles. Et les êtres qui sont dans le monde, dans les mondes invisibles, ne sont pas dans la lumière. Ils sont dans des mondes astraux. Et les mondes astraux, l'astral, si ça veut dire ceci, l'astral veut dire des mondes qui contiennent suffisamment de lumière pour que les êtres puissent reconnaître qu'ils sont dans une mémoire quelconque. Et c'est ça qui leur donne l'illusion de la vie. Et comme ils ont l'illusion de la vie, ils ont pouvoir sur la vie. Mais ils ont pouvoir sur la vie des êtres humains. Les morts sont un exemple. Sur la vie expérimentale des êtres humains. C'est pour ça qu'un être humain qui est conscientisé et qui s'adresse aux morts, il est face aux titres. Parce qu'il y a plus de savoir qu'eux autres pourront jamais en avoir. Parce qu'il est en dehors de la mémoire astrale. Qui est leur prison. Et qui sert à nourrir l'humanité. Le gars meurt, il est scientiste, il s'en va de l'autre bord, il continue en science de l'autre bord, puis il continue à informer un autre qui est scientiste, ainsi de suite, la chaîne continue. Il y en a un qui est prêtre de l'autre bord, mais il continue à plugger un autre qui s'en va vers la prêtrise ici. C'est un cercle. La putain de l'autre bord, ben, elle informe une putain ici. Ça continue de même. Les rôles se vivent dans le matériel et dans l'astral en même temps. La mémoire, c'est comme un placenta. C'est ça, c'est un placenta. Puis un maudit gros. Puis il est tellement bon, placenta, que tout le monde se pense guéri. Se pense quoi? Guéri. Au bout. Vivant. Réel. Intelligent. Whatever. L'astral se détruit à partir de la matière. L'astral se détruit à partir de la matière. Situé dans la matière. Il faut que tu sois dans la matière. Effectivement. Effectivement. Si tu n'es pas dans la matière, tu ne pourras pas être détruit. L'astral, c'est pas une création aussi de l'homme de l'économie. Oui. Un remplit l'autre, puis un vide l'autre. Puis un remplit l'autre, puis un vide l'autre. Elle met la monde par dessin, puis la monde par dessin, puis la monde par dessin, puis elle continue. On parle. On se fait dire depuis longtemps l'importance de l'âme, puis de l'âme, puis de l'âme, puis de l'âme, puis de l'âme. Mais qu'est-ce que c'est? Quand quelqu'un dit quelque chose, il faut que tu saches qu'est-ce que c'est. Mais c'est pas de même qu'on a fonctionné dans le passé. On se faisait remplir, puis on se faisait remplir, puis on se faisait remplir. Puis il y avait des variations. Fait que ça faisait une autre religion, puis on se faisait remplir. Une autre philosophie, puis on se faisait remplir. Puis on est rendu au 20e siècle, puis on se fait encore remplir. Par toutes sortes de mondes, à tous les niveaux, on se fait remplir. Constamment, on se fait remplir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans l'intelligence. Quand quelqu'un te parle de l'âme, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est l'âme? Qu'est-ce que ça fait l'âme? Si quelqu'un n'est pas capable de dire que l'âme, la totalité des âmes dans l'univers, c'est Lucifer, t'es nulle part. Faut que tu le saches. Le principe luciférien, c'est la totalité des âmes. C'est la totalité de l'astral. C'est la totalité de la mémoire cosmique. Comment est-ce qu'il y en a de gens qui écrivent des livres aujourd'hui qui parlent de la mémoire cosmique, puis on va avoir la mémoire cosmique parce que l'ego veut savoir. La mémoire cosmique. La mémoire cosmique. La mémoire cosmique. Penses-tu que tu as besoin de mémoire cosmique quand tu es dans la lumière? Tu l'es dans l'énergie. On veut la mémoire cosmique. Autrement dit, on veut la mémoire de l'âme. Mais ça vient d'où, ça? Ça vient de l'astral. puis les écoles se rouvrent, puis les méthodes se rouvrent, puis les livres se vendent, et ainsi de suite. Puis c'est comme ça, ça n'arrête pas. C'est un cercle vicieux. Quand je dis qu'un homme doit en arriver un jour dans sa vie à ne pas pouvoir être enseigné par un autre homme, si un homme peut être enseigné par un autre homme, il est dans la merde, aussitôt. C'est automatique. J'ai déjà dit à Croteau, je peux pas t'enseigner, mais je peux te dire comment aller chercher de l'information. Mais je peux pas t'enseigner. L'instruction, c'est pas de l'enseignement. L'instruction, c'est de la science. L'enseignement, c'est pas de la science, c'est de la philosophie. L'âme, c'est ce qui nous lie au système solaire. L'âme, c'est ce qui nous lie au système solaire, et c'est pour ça qu'on n'a jamais été capable de comprendre les lois de l'infinité. C'est pour ça que notre science est incapable de se développer à un point tel qu'on puisse voyager. C'est ça. Parce qu'automatiquement, la science change. La science ne changera jamais à sa tête tant que l'homme n'aura pas détruit l'âme. Automatiquement, la science change. Automatiquement. Parce que l'intelligence est haute. Tu ne fuis plus à la mémoire. Tu ne fuis plus à des intuitions qui viennent de l'astral. Einstein est l'autre bord, puis il plaque quelqu'un ici. Niels Bohr est l'autre bord, puis il plaque quelqu'un ici, parce qu'il continue l'autre bord à rechercher les autres, ces gars-là. Là, il plaque quelqu'un ici, puis il plaque. Là, la science avance progressivement. Attends. Bon, c'est pas ça de la science. Ça, c'est de la science. Pas de la science. C'est instantané de la science. C'est parfait de la science. C'est de la lumière en action de la science. C'est reconnaître ce qui est. C'est de reconnaître, comprendre ce qui est, comprendre les lois de ce qui est. C'est ça de la science. Pas du taponnage, puis de la recherche, puis du passage, puis de l'intuition. La haine, c'est-tu la découverte de l'homme? La haine, c'est la découverte de l'homme. Tu vois comment est-ce que ton intelligence n'est pas pure, en fait? Mais à touche, à rang. Elle n'est pas pure. Si elle t'a pu, t'aurais pas dit ça, du désordre, t'aurais dit de l'ordre. Comment est-ce que je veux dire par les gens? C'est ça. C'est automatique. Tu découvres l'ordre, t'as eu le désordre. Automatiquement. Tu commences par le désordre, hein? Tu peux pas découvrir l'ordre, tu peux pas l'intégrer. Tu découvres l'ordre au fur et à mesure que tu avances. Mais ton outil, ta lentille, c'est la haine. Si tu ne haïs pas, tu ne découvriras jamais l'ordre. Parce que tes sentiments et ton intellect te maintiendront dans le désordre qui apparaît ordonné, qu'on appelle la spiritualité et la philosophie. Tout ce qui fait partie de l'évolution. Est-ce que tu peux parler de la haine de l'homme? La quoi? La haine de l'homme. C'est pas intéressant la haine de l'homme. L'homme la connaît assez, celle-là. C'est la haine consciente qu'il faut comprendre. Quand tu comprends celle-là, tu comprends toutes les autres. La haine, c'est le pouvoir de quitter. C'est le pouvoir de quitter. Quoi? Le pouvoir de quitter quoi? Il y en a rien, puis ce qui me marche. Faut que je sois intelligente. Je peux pas savoir ce qui me tient si je suis pas intelligente. Le pouvoir de quitter la mémoire. Pouvoir quitter n'importe quoi qui te sous-tend à des conditions qui créent le désordre. À quelque niveau que ce soit. À quelque niveau que ce soit. Puis je dis à quelque niveau que ce soit. Même s'il va de ta belle-mère. Puis même s'il va de tes enfants, puis même s'il va de tout ce qui te lie émotivement à quelque chose. Tout ça, c'est ton intérieur de temps qui vient comme esprit par le vieux temps. C'est ça. C'est lui qui crée ton esprit par le biais de l'art. Exactement. Exactement. C'est-à-dire qu'il brûle l'énergie, la mémoire, la partie de l'énergie de l'âme. C'est Tout, tu réagis, fait que c'est qui se passe? Tes corps se développent, la vibration monte, et juste, fusion. C'est ça. Il faut qu'il brûle ton esprit. On parle de l'âme de l'homme intérieur. Une âme, il y en a une à tous les niveaux. Donc, les sept niveaux. L'âme est présente sur tous les plans à la fois. Parce que l'astral contient tous les plans à la fois. Il n'y a pas de mémoire antérieure à ça en nous. L'homme qui sait. L'homme qui sait de la mémoire. L'homme qui sait. Il y a deux sortes d'hommes qui sait. Il y a l'homme qui sait par le cœur, puis il y a l'homme qui sait par le mental. L'homme qui sait par le cœur est rattaché à la mémoire de l'âme. L'homme qui sait par le mental n'est pas rattaché à la mémoire de l'âme. Savoir par le cœur, c'est passé. C'est de la sagesse. On peut pas dire qu'il serait rattaché à son âme divine. L'âme divine? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'âme divine? L'énergie de ses corps supérieurs. Prenons une chose à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire, l'âme divine? Qu'est-ce que ça veut dire, divin? Le contraire de l'humain, l'autre pôle. L'autre pôle, OK. OK. Si vous alliez dans l'astral, si vous alliez dans le haut astral, vous le verriez, le divin, le haut astral. Il est là. Marie Sacrato. T'as rencontré, lui. Il est voulu dans le plan, ce... Il a été créé par les gouvernements invisibles. Il est porté par les immortels, le gouvernement invisible. Le gouvernement invisible crée pour les besoins de l'évolution progressive des humanités, des races. Faut y passer. On y passe. Mais à un certain moment, il faut qu'on en sorte. Ouais. On en sort. Ouais. Mais ça servit. J'ai pas dit que ça n'a pas servi, je l'ai dit ça au début. Tout ça. Mais le point n'est pas là. À un moment donné, il faut que ça serve. Savoir va servir pour quelque chose. Ben, on est ici. L'humanité est ici, faut que ça a servi. Ça sert plus loin que ça. Ça sert plus loin que où? L'humanité où est rendue aujourd'hui? L'humanité où est rendue aujourd'hui? L'homme, la terre aujourd'hui. Il sert à quoi? Il sert plus à rien. Il sert à l'astral. À tous les niveaux, l'homme sur la terre aujourd'hui sert l'astral. C'est pour ça que l'homme sur la terre aujourd'hui est en train de se détruire. Parce que sert l'astral. Et pour que l'homme sur la terre aujourd'hui ne se détruise pas, il faut qu'il y ait un segment de l'humanité qui se détache complètement de cette humanité. On ne peut pas avoir des sentiments. Ben, déjà. Aussitôt qu'on a du sentiment d'intelligence, on recule dans notre mémoire. Et qu'on utilise la mémoire, ça s'en recule. Automatiquement. Automatiquement. C'est ça que le monde, son sentimental, quelque part, du passé. Whatever. Son sentiment spirituel, il vient d'où, sa mémoire? Oh, c'est lui qui voit le tout, j'imagine, là, à 360 degrés. Il doit avoir cette partie-là comme une partie qui fallait qu'il soit vécue. C'est cette partie-là. Oui, c'était vécu. Mais il faut que j'arrête. Je pars. Oui, comment est-ce qu'on fait pour donner assez d'intelligence pour développer cette haine mentale de nos souffrances? Souffrance. Cette souffrance-là vient avec... Le temps. petit à petit. Ça se peut-tu de pas souffrir? Non. Non, mais de comprendre. Tu peux comprendre jusqu'à un certain point, mais il faut que tu souffres pour aller plus loin. Pour pouvoir comprendre. Pour savoir. Ouais, mais souffrir, ça peut-tu être juste fatiguant, puis ça te fatigue? Tu peux souffrir. Tu souffres. C'est la souffrance qui produit le changement vibratoire. T'es juste. Est-ce que c'est possible qu'un être qui commence à haïr, à se fâcher, comme tu dis, un moment de recul, puis se laisse influencer par une autre façon de faire? C'est un être qui n'haït pas. Tu peux pas haïr si t'es pas dans l'intelligence, par volonté. Rendu à ce point-là, t'es pas influençable. Haïr, toi, tu parles d'absolument, mais... Si tu veux, tu parles d'absolument, mais tout à l'heure, tu parlais de naïssement. Tu nais? Progressif. Elle devient de plus en plus grande. Oui, mais c'est ça quand tu commences. Tu vas douter. Si tu haïs au début, tu vas avoir des sentiments contre cette haine-là automatiquement à cause de ta mémoire. Mais est-ce que la haine combat la mémoire? Est-ce qu'elle avance tout le temps? Ou si la mémoire peut te ramener en arrière? La mémoire, elle va te ramener en arrière. La haine va continuer pareil. Parce que tu te raffines dans ton intelligence et dans ta volonté. Puis éventuellement, mais t'as plus de culpabilité dans ta haine. Elle devient nécessaire, essentielle. Et elle devient grande et elle devient belle. Mais il n'y a pas des forces négatives qui ramènent tout à l'heure. L'astral, c'est les forces négatives. On va dire quelque chose pour répondre à ça. Je comprends sa question. Aller supramentalement, c'est parfait et dans l'ordre. Mm-hmm. Aller dans l'astral, c'est désorganisé et anarchique, mm-hmm, et non directionnel. Mm-hmm. Ça répond à ta question. Aïe, ce serait pas la force destructrice en nous autres qui doit être utilisée pour la transformation des énergies. C'est ça. C'est la force qui détruit les formes. À tous les niveaux, toujours en mode d'aller. C'est ça. Pour se retrouver. C'est ça, libre. De tout être humain. De tout être humain. De tout être humain. Ça comprend toutes les humanités. Tout le monde. Haïr aussi, c'est-tu. Quand tu haïs, tu détruis toute astralité dans l'homme, et en détruisant toute astralité dans l'homme, c'est là que tu détruis la mémoire de l'homme. C'est ça. Pour détruire la mémoire de l'âme, il faut haïr. Donc l'âme, c'est astral. Ben, effectivement, c'est astral. Tu es Cupidon de l'astral. Bien de retour. C'est ça. C'est bien de retour. Ce qui me frappe, c'est comment est-ce que l'astral nous influence à être reconnaissants vis-à-vis d'elle et d'avoir vu les gens. C'est comment est-ce que c'est difficile, en tout cas, de comprendre que le sentiment de vie qu'on a, c'est tellement bien, c'est comme si on est reconnaissant puis depuis ce petit semblant de vie-là, puis qu'on n'a pas d'aller parce qu'on n'a pas de tomber dans la vie. Parce que c'est... ça devient toujours un problème d'intelligence. C'est la question, c'est pas d'être haut dans l'astral, bas dans l'astral, à gauche dans l'astral, à droite dans l'astral, c'est à terre ou dans l'astral ou ailleurs. C'est d'en sortir, ce Christ astral-là. Puis il n'y a pas moyen de sortir les polarités de l'astral parce que l'astral est polarisé s'il n'y a pas ce mot parfait de l'amour et de la haine, qui est le même principe. C'est ça. C'est une aide. Mmh. C'est honnête. Donne un coup de pied à ta mère, on va l'amener pour arriver dans la vie. C'est très essentiel ce que je vous dis. C'est une des choses les plus belles. Les plus grandes, les plus impensables. Puis plus une chose est impensable, plus elle est réelle. Parce que tout ce qui est pensable est astral. Tout ce qui est pensable nous fait plaisir, nous rassure, automatiquement. Tout ce qui nous fait mal est bon. C'est écœuré les propres niaiseries que nous avons. Ouais. À lire, c'est une volonté qui vient après que tu as pris conscience que c'est quelque chose. C'est ça. Une volonté de changer. C'est ça. Mmh. C'est ça. C'est de la volonté. C'est de la volonté. Puis de l'intelligence en même temps. Mmh. C'est un voir avec l'autre. Et une fois que tu as cette intelligence-là, en fait, lorsque l'homme ira dans les plans, même le mot plan, je l'ai eu. Mais lorsque l'homme sera libre dans son esprit et qu'il verra la constitution des gouvernements invisibles, il sera absolument émerveillé de la perfection dans les agissements de ces gouvernements-là. C'est incroyable. C'est beau avoir travaillé la magie. C'est fantastique. Fantastique. La mafia. La mafia cosmique. J'ai déjà dit que la politique, c'est la religion. La religion, c'est la politique cosmique. C'est exactement ce que c'est que la religion. C'est la politique des mondes invisibles sur la Terre. C'est l'époque de la domination que vous nous parlez. Il y a automatiquement de la domination parce que l'homme n'est pas intelligent. Alors, l'homme ne peut pas participer à l'organisation de ces mondes-là. Automatiquement, il est dominé. Que tu sois dominé par un gouvernement bénévole ou que tu sois dominé par un gouvernement dictatorial, tu es dominé pareil. Mais quand tu deviens libre, tu sors. Tu sors. Non. Non, parce que quand tu deviens libre, puis que tu es fusionné, tu vas aller à la création d'univers ou de mondes, d'autres mondes. Des principes et des lois totalement différents. Ça redevient de. C'est toujours la même lutte. C'est toujours la lutte entre le mal cosmique et le bien cosmique. Dans le fond, c'est Lucifer, c'est tout simplement. Il faut qu'il soit détruit par la lumière. Il faut qu'il soit neutralisé. Pas détruit, mais neutralisé. C'est ça que, à toutes les fois que tu crées, c'est que tu enlèves une partie. Tu neutralises une partie. C'est ça. Ah, il faut créer pour neutraliser ça. C'est un choc du gouvernement. C'est un choc. Ça, c'est intéressant. C'est pas exact ce que tu dis. Ce que tu dois dire, c'est que c'est un choc au monde astral. Et les gouvernements vont réagir. Ils réagissent. C'est de ça que tu as parlé dans tes crises d'atelier. Mm-hmm. Ils réagissent pour s'y arracher de personnes fusionnées pour être capables de donner une chance à d'autres personnes de faire un choix définitif plus approprié et plus rapide, que je vais dire que la conscience, l'âme à l'intérieur, c'est cette espèce de bonhomme qui est l'antéchrist qui va devoir faire le choix définitif. Plusieurs personnes, c'est une chance, une collective. Oui, parce que c'est toujours un combat. Qu'est-ce que font les gens fusionnés dans la sixième race? Les gens fusionnés en sixième race ne sont pas sur le plan matériel. Ils font partie du gouvernement invisible de la Terre. Il va y avoir des gens sur le plan matériel. La sixième race évolue sur le plan matériel. Mais à l'intérieur de la sixième race, il y a un autre cercle d'hommes, les fusiliers immortels, qui font partie du gouvernement invisible. Les gens de la sixième race ne peuvent pas se fusionner? Non. Non. La sixième race, c'est donc plein? C'est une continuation d'humanité, mais surveillée par les immortels. L'évolution de la sixième race va être sous le contrôle des immortels de la planète Terre. Autrement dit, c'est nous autres qui va runner le show. Mais